non, c'est pas vrai. Une fausse note d'un ton, elle coule au fond. Pour cette note, ami, merci et pardon. À chaque caresse, complice de détresse, ton corps m'aime-t-il quand je joue. C'est la note pour que tu sonnes fort. Au gré des fautes, je m'écroule sur ton bois. Si chaque caresse devient maladresse, tes cordes castelles par un bruit. La note.